Où pensez-vous aller? Au temple où l'on m'appelle. Quoi? Vous mêler aux vœux d'une troupe infidèle? Oubliez-vous déjà que vous êtes chrétien? Vous, par qui je le suis, vous en souvient-il bien? J'aborde les faux dieux. Et moi, je les déteste. Je tiens leur culte impie. Et je le tiens funeste. Fuyez dans leurs autels. Je les veux renverser et mourir dans leur temple ou les y terrasser. Allons, mon cher Néarque, allons, aux yeux des hommes, braver l'idolâtrie et montrer qui nous sommes. C'est la tente du ciel, il nous la faut remplir. Je viens de le promettre et je vais l'accomplir. Je rends grâce au Dieu que tu m'as fait connaître de cette occasion qu'il a sitôt fait naître, où déjà sa bonté prête à me couronner daigne et prouver la foi qu'il vient de me donner. Ce zèle est trop ardent, souffrez qu'il se modère. On en peut avoir trop pour le Dieu qu'on révère. Vous trouverez la mort. Je la cherche pour lui. Et si ce cœur s'ébranle? Il sera mon appui. Il ne commande point que l'on s'y précipite. Plus elle est volontaire et plus elle mérite. Il suffit sans chercher d'attendre et de souffrir. On souffre avec regret quand on ose s'offrir. Mais dans ce temple, enfin, la mort est assurée. Mais dans le ciel, déjà la palme est préparée. Par une sainte vie, il faut la mériter. Mes crimes en vivant me la pourraient ôter. Pourquoi mettre au hasard ce que la mort assure? Quand elle ouvre le ciel, peut-elle sembler dure? Je suis chrétien et arc et le suis tout à fait. La foi que j'ai reçue aspire à son effet. Qui fuit croit lâchement et n'a qu'une foi morte. Ménagez votre vie, à Dieu même elle importe. Vivez pour protéger les chrétiens en ces lieux. L'exemple de ma mort les fortifiera mieux. Vous voulez donc mourir? Vous aimez donc à vivre? Je ne puis déguiser que j'ai peine à vous suivre. Sous l'horreur des tourments, je crains de succomber. Qui marche assurément n'a point peur de tomber. Dieu fait part aux besoins de sa force infinie. Qui craint de le nier, dans son âme le nie. Il croit le pouvoir faire et doute de sa foi. Qui n'appréhende rien, présume trop de soi. J'attends tout de sa grâce et rien de ma faiblesse. Mais loin de me presser, il faut que je vous presse. D'où vient cette froideur? Dieu même a craint la mort. Il s'est offert, pourtant. Suivons ce saint effort. Dressons-lui des autels sur des monceaux d'idoles. Il faut, je me souviens encore de vos paroles, négliger pour lui plaire, et femme, et bien, et rang, exposer pour sa gloire et verser tout son sang. Hélas, qu'avez-vous fait de cet amour parfait que vous me souhaitiez et que je vous souhaite? S'il vous en reste encore, n'êtes-vous point jaloux qu'à grand-peine chrétien? J'en montre plus que vous. Vous sortez du baptême, et ce qui vous anime, c'est sa grâce quand vous n'affaiblit aucun crime. Comme encore tout entière, elle agit pleinement, et tout semble possible à son feu véhément. Mais cette même grâce, en moi diminuée, et parmi le péché sans cesse exténué, agit aux grands effets avec tant de langueur, que tout semble impossible à son peu de vigueur. Cette indigne mollesse et ces lâches défenses sont des punitions qu'attirent mes offenses. Mais Dieu, dont on ne doit jamais se défier, me donne votre exemple à me fortifier. Allons, cher Polyeucte, allons aux yeux des hommes braver l'idolâtrie et montrer qui nous sommes. Puissais-je vous donner l'exemple de souffrir comme vous me donnez celui de vous offrir? À cet heureux transport que le ciel vous envoie, je reconnais Néarque et j'en pleure de joie. Ne perdons plus de temps, le sacrifice est prêt. Allons-y, du vrai Dieu, soutenir l'intérêt. Allons fouler aux pieds ce foudre ridicule, dont arme un bois pourri, ce peuple trop crédule. Allons en éclairer l'aveuglement fatal. Allons briser ces dieux de pierre et de métal. Abandonnons nos jours à cette ardeur céleste. Faisons triompher Dieu. Qu'il dispose du reste. Allons faire éclater sa gloire aux yeux de tous. Allons mourir pour lui comme il est mort pour nous.